Carol Flanders, sixième partie. Il me poursuivit de près ensuite, et comme je vis qu'il n'y avait point besoin de craindre de le perdre, je jouai le rôle d'indifférente plus longtemps que la prudence ne m'eût autrement dicté. Mais je considérais combien cette réserve et cette indifférence me donneraient davantage sur lui lorsque j'en viendrais à lui avouer ma condition, et j'en usais avec d'autant plus de prudence que je trouvais qu'il concluait de là ou que j'avais plus d'argent, ou que j'avais plus de jugement, ou que je n'étais point d'humeur aventureuse. Je pris un jour la liberté de lui dire qu'il était vrai que j'avais reçu de lui une galanterie d'amant, puisqu'il me prenait sans nulle enquête sur ma fortune, et que je lui retournais le compliment en m'inquiétant de la sienne plus que de raison, mais que j'espérais qu'il me permettrait quelques questions auxquelles il répondrait ou non, suivant ses convenances. L'une de ces questions se rapportait à la manière dont nous vivrions et au lieu que nous habiterions, parce que j'avais entendu dire qu'il possédait une grande plantation en Virginie, et je lui dis que je ne me souciais guère d'être déporté. Il commença dès ce discours à m'ouvrir bien volontiers toutes ses affaires et à me dire de manière franche et ouverte toute sa condition, par où je connus qu'il pouvait faire bonne figure dans le monde, mais qu'une grande partie de ses biens se composait de 3 plantations qu'il avait en Virginie, qui lui rapporteraient un fort bon revenu d'environ 300 livres par an, mais qui, s'il les exploitait lui-même, lui en rapportait 4 fois plus. « Très bien, me dis-je, alors tu m'emmèneras là-bas aussitôt qu'il te plaira, mais je me garderai bien de te le dire d'avance. » Je le plaisantai sur la figure qu'il ferait en Virginie, mais je le trouvais prêt à faire tout ce que je désirerais, de sorte que je changeai de chanson. Je lui dis que j'avais de fortes raisons de ne point désirer aller vivre là-bas, parce que, si ses plantations y valaient autant qu'il disait, je n'avais pas une fortune qui pût s'accorder à un gentilhomme ayant 1200 livres de revenus, comme il me disait que serait son état. Il me répondit qu'il ne me demandait pas quelle était ma fortune, qu'il m'avait dit d'abord qu'il n'en ferait rien et qu'il tiendrait sa parole, mais que, quelle qu'elle fût, il ne me demanderait jamais d'aller en Virginie avec lui, ou qu'il n'irait sans moi, à moins que je m'y décidasse librement. Tout cela, comme vous pouvez bien penser, était justement conforme à mes souhaits, et en vérité, rien n'eût pu survenir de plus parfaitement agréable. Je continuais jusque-là à jouer cette sorte d'indifférence dont il s'étonnait souvent. Et si j'avais avoué sincèrement que ma grande fortune ne s'élevait pas en tout à 400 livres quand il en attendait 1500, pourtant je suis persuadée que je l'avais si fermement agrippée et si longtemps tenue en haleine qu'il m'aurait prise sous les pires conditions. Et il est hors de doute que la surprise fut moins grande pour lui quand il apprit la vérité qu'elle n'eût été autrement, car n'ayant pas le moindre blâme à jeter sur moi, qui avait gardé un air d'indifférence jusqu'au bout, il ne put dire une parole, sinon qu'en vérité, il pensait qu'il y en aurait eu davantage. Mais que, quand même il y en eut moins, il ne se repentait pas de son affaire, seulement qu'il n'aurait pas le moyen de m'entretenir aussi bien qu'il l'eût désiré. Bref, nous fûmes mariés, et moi, pour ma part, très bien mariée, car c'était l'homme de meilleure humeur qu'une femme ait eue, mais sa condition n'était pas si bonne que je le supposais, ainsi que d'autre part, il ne l'avait pas améliorée autant qu'il l'espérait. Quand nous fûmes mariés, je fus subtilement poussée à lui apporter le petit fonds que j'avais et à lui faire voir qu'il n'y en avait point davantage. Mais ce fut une nécessité, de sorte que je choisis l'occasion, un jour que nous étions seuls, pour lui en parler brièvement. « Mon ami, lui dis-je, voilà 15 jours que nous sommes mariés. N'est-il pas temps que vous sachiez si vous avez épousé une femme qui a quelque chose ou qui n'a rien ?»« Ce sera au moment que vous voudrez, mon cœur, dit-il. Pour moi, mon désir est satisfait, puisque j'ai la femme que j'aime. Je ne vous ai pas beaucoup tourmenté, dit-il, par mes questions là-dessus. C'est vrai, dis-je, mais je trouve une grande difficulté dont je puis à peine me tirer. Et laquelle, mon cœur? Dit-il. Eh bien, dis-je, voilà. C'est un peu dur pour moi, et c'est plus dur pour vous. On m'a rapporté que le capitaine X, le mari de mon ami, vous a dit que j'étais bien plus riche que je n'ai jamais prétendu l'être, et je vous assure bien qu'il n'a pas ainsi parlé à ma requête. « Bon, dit-il, il est possible que le capitaine X m'en ait parlé, mais quoi? Si vous n'avez pas autant qu'il m'a dit, que la faute en retombe sur lui? Mais vous ne m'avez jamais dit ce que vous aviez, de sorte que je n'aurai pas de raison de vous blâmer, quand bien même vous n'auriez rien du tout. Voilà qui est si juste, dis-je, et si généreux, que je suis doublement affligée d'avoir si peu de choses. Moins vous avez, ma chérie, dit-il, pire pour nous deux. Mais j'espère que vous ne vous affligez point de crainte que je perde ma tendresse pour vous, parce que vous n'avez pas de dot. Non, non, si vous n'avez rien, dites-le-moi tout net. Je pourrais peut-être dire au capitaine qu'il m'a dupé, mais jamais je ne pourrais vous accuser, car ne m'avez-vous pas fait entendre que vous étiez pauvre? Et c'est là ce que j'aurais dû prévoir. Eh bien, dis-je, mon ami, je suis bien heureuse de n'avoir pas été mêlée dans cette tromperie avant le mariage. Si désormais je vous trompe, ce ne sera point pour le pire. Je suis pauvre, il est vrai, mais point pauvre à ne posséder rien. » Et là, je tirai quelques billets de banque et lui donnai environ 160 livres. « Voilà quoique chose, mon ami, dis-je, et ce n'est peut-être pas tout. » Je l'avais amené si près de n'attendre rien, parce que j'avais dit auparavant que l'argent, bien que la somme fût petite en elle-même, parut doublement bienvenue. Il avoua que c'était plus qu'il n'espérait et qu'il n'avait point douté, par le discours que je lui avais tenu, que mes beaux habits, ma montre d'or et un ou deux anneaux à diamants faisaient toute ma fortune. Je le laissai se réjouir des 160 livres pendant 2 ou 3 jours. Et puis, étant sorti ce jour-là, comme si je fusse allé les chercher, je lui rapportai à la maison encore 100 livres en or, en lui disant « Voilà encore un peu plus de dot pour vous. » Et, en somme, au bout de la semaine, je lui apportai 180 livres de plus et environ 60 livres de toile que je feignis d'avoir été forcée de prendre avec les 100 livres en or que je lui avais donnés en concordat d'une dette de 600 livres, dont je n'aurais tiré guère plus de 5 shillings pour la livre, ayant été encore la mieux partagée. « Et maintenant, mon ami, lui dis-je, je suis bien fâchée de vous avouer que je vous ai donné toute ma fortune. » J'ajoutai que si la personne qui avait mes 600 livres ne m'eût pas joué, j'en eusse facilement valu 1000 pour lui. Mais que, la chose étant ainsi, j'avais été sincère et ne m'étais rien réservé pour moi-même, et s'il y en avait eu davantage, je lui aurais tout donné. Il fut si obligé par mes façons et si charmé de la somme, car il avait été plein de l'affreuse frayeur qu'il n'y eût rien, qu'il accepta avec 1000 remerciements. Et ainsi je me tirai de la fraude que j'avais faite en passant pour avoir une fortune sans avoir d'argent et en pipant un homme au mariage par cet appât, chose que d'ailleurs je tiens pour une des plus dangereuses où une femme puisse s'engager et où elle s'expose au plus grand hasard d'être maltraitée par son mari. Mon mari, pour lui donner son dû, était un homme d'infiniment de bonne humeur, mais ce n'était point un sot. Et, trouvant que son revenu ne s'accordait pas à la manière de vivre qu'il eût entendue, si je lui eusse apporté ce qu'il espérait, désappointé d'ailleurs par le profit annuel de ses plantations en Virginie, il me découvrit maintes fois son inclination à passer en Virginie pour vivre sur ses terres, et souvent me peignait de belles couleurs la façon dont on vivait là-bas, combien tout était à bon marché, abondant, délicieux, et 1000 choses pareilles. J'en vins bientôt à comprendre ce qu'il voulait dire, et je le repris bien simplement un matin, en lui disant qu'il me paraissait que ses terres ne rendaient presque rien à cause de la distance, en comparaison du revenu qu'elles auraient s'il y demeurait, et que je voyais bien qu'il avait le désir d'aller y vivre, que je sentais vivement qu'il avait été désappointé en épousant sa femme et que je ne pouvais faire moins, par manière d'amende honorable, que de lui dire que j'étais prête à partir avec lui pour la Virginie afin d'y vivre. Il me dit 1000 choses charmantes au sujet de la grâce que je mettais à lui faire cette proposition. Il me dit que, bien qu'il eût été désappointé par ses espérances de fortune, il n'avait pas été désappointé par sa femme, et que j'étais pour lui tout ce que peut être une femme, mais que cette offre était plus charmante qu'il n'était capable d'exprimer. Pour couper court, nous nous décidâmes à partir. Il me dit qu'il avait là-bas une très bonne maison, bien garnie, où vivait sa mère avec une sœur qui étaient tous les parents qu'il avait, et qu'aussitôt son arrivée, elles iraient habiter une autre maison qui appartenait à sa mère sa vie durant, et qui lui reviendrait, à lui, plus tard, de sorte que j'aurais toute la maison à moi, et je trouvais tout justement comme il disait. Nous mîmes à bord du vaisseau où nous nous embarquâmes une grande quantité de bons meubles pour notre maison, avec des provisions de linge et autres nécessités, et une bonne cargaison de ventes, et nous voilà partis. Je ne rendrai point compte de la manière de notre voyage, qui fut longue et pleine de dangers, mais serait hors propos. Je ne tins pas de journal, ni mon mari. Tout ce que je puis dire, c'est qu'après un terrible passage, deux fois épouvanté par d'affreuses tempêtes, et une fois par une chose encore plus terrible, je veux dire un pirate, qui nous aborda et nous ôta presque toutes nos provisions, et, ce qui aurait été le comble de mon malheur, il m'avait pris mon mari, mais par supplication se laissait réfléchir et le rendir. Je dis, après toutes ces choses terribles, nous arrivâmes à la rivière d'York en Virginie, et, venant à notre plantation, nous fûmes reçus par la mère de mon mari avec toute la tendresse et l'affection qu'on peut s'imaginer. Nous vécûmes là tous ensemble, ma belle-mère, sur ma demande, continuant à habiter dans la maison, car c'était une trop bonne mère pour qu'on se séparât d'elle. Et mon mari, d'abord, resta le même. Et je me croyais la créature la plus heureuse qui fût en vie, quand un événement étrange et surprenant mit fin à toute cette félicité en un moment et rendit ma condition la plus incommode du monde. Ma mère était une vieille femme extraordinairement gaie et pleine de bonne humeur. Je puis bien dire vieille, car son fils avait plus de 30 ans. Elle était de bonne compagnie, dis-je, agréable, et m'entretenait en privé d'abondance d'histoires pour me divertir, autant sur la contrée où nous étions que sur les habitants. Et, entre autres, elle me disait souvent comment la plus grande partie de ceux qui vivaient dans cette colonie y étaient venus d'Angleterre dans une condition fort basse et qu'en général, il y avait 2 classes. En premier lieu, tels qui étaient transportés par des maîtres de vaisseau pour être vendus comme serviteurs. Ou en second lieu, tels qui sont déportés après avoir été reconnus coupables de crimes qui méritent la mort. « Quand ils arrivent ici, dit-elle, nous ne faisons pas de différence. Les planteurs les achètent et ils vont travailler tous ensemble au champ jusqu'à ce que leur temps soit fini. Quand il est expiré, dit-elle, on leur donne des encouragements à seule fin qu'ils plantent eux-mêmes, car le gouvernement leur alloue un certain nombre d'acres de terre, et ils se mettent au travail pour déblayer et défricher le terrain, puis pour le planter de tabac et de blé à leur propre usage. Et comme les marchands leur confient outils et le nécessaire sur le crédit de leur récolte avant qu'elle soit poussée, ils plantent chaque année un peu plus que l'année d'auparavant et ainsi achètent ce qu'ils veulent avec la moisson qu'ils ont en perspective. « Et voilà comment, mon enfant, dit-elle, main gibier de Newgate devient un personnage considérable. Et nous avons, continua-t-elle, plusieurs juges de paix, officiers des milices et magistrats des cités qui ont eu la main marquée au fer rouge. » Elle allait continuer cette partie de son histoire quand le propre rôle qu'elle y jouait l'interrompit. Et, avec une confiance pleine de bonne humeur, elle me dit qu'elle-même faisait partie de la seconde classe d'habitants, qu'elle avait été embarquée ouvertement, s'étant aventurée trop loin dans un cas particulier, d'où elle était devenue criminelle. « Et en voici la marque, mon enfant, dit-elle, et me fit voir un très beau bras blanc et sa main, mais avec la tape du fer chaud dans la paume de la main, comme il arrive en ces circonstances. Cette histoire m'émut infiniment. Mais ma mère, souriant, dit « Il ne faut point vous émerveiller de cela, ma fille, comme d'une chose étrange, car plusieurs des personnes les plus considérables de la contrée portent la marque du fer à la main et n'éprouvent aucune honte à la reconnaître. Voici le major X, dit-elle, c'était un célèbre pickpocket. Voici le juge Baer. C'était un voleur de boutique, et tous deux ont été marqués à la main, et je pourrais vous en nommer d'autres tels que ceux-là. » Nous tîmes souvent des discours de ce genre, et elle me donna quantité d'exemples de ce qu'elle disait. Au bout de quelque temps, un jour qu'elle me racontait les aventures d'une personne qui venait d'être déportée quelques semaines auparavant, je me mis, en quelque sorte sur un ton intime, à lui demander de me raconter des parties de sa propre histoire, ce qu'elle fit avec une extrême simplicité et fort sincèrement. Comment elle était tombée en mauvaise compagnie à Londres pendant ses jeunes années, ce qui était venu de ce que sa mère l'envoyait fréquemment porter à manger à une de ses parentes qui était prisonnière à Newgate dans une misérable condition affamée, qui fut ensuite condamnée à mort, mais ayant obtenu répit en plaidant son ventre, périt ensuite dans la prison. Ici, ma belle-mère m'énuméra une longue liste des affreuses choses qui se passent d'ordinaire dans cet horrible lieu. « Eh, mon enfant, dit ma mère, peut-être que tu connais bien mal tout cela, ou il se peut même que tu n'en aies jamais entendu parler. Mais sois-en sûre, dit-elle, et nous le savons tous ici. Cette seule prison de Newgate engendre plus de voleurs et de misérables que tous les clubs et associations de criminels de la nation. C'est ce lieu de malédiction, dit ma mère, qui peuple à demi cette colonie. » Ici, elle continua à me raconter son histoire si longuement et de façon si détaillée que je commençais à me sentir très troublée. Mais lorsqu'elle arriva à une circonstance particulière qui l'obligeait à me dire son nom, je pensais m'évanouir sur place. Elle vit que j'étais en désordre et me demanda si je ne me sentais pas bien et ce qui me faisait souffrir. Je lui dis que j'étais si affectée de la mélancolique histoire qu'elle avait dite que l'émotion avait été trop forte pour moi, et je la suppliais de ne m'en plus parler. « Mais ma chérie, dit-elle très tendrement, il ne faut nullement t'affliger de ces choses. Toutes ces aventures sont arrivées bien avant ton temps, et elles ne me donnent plus aucune inquiétude. Oui, et je les considère même dans mon souvenir avec une satisfaction particulière, puisqu'elles m'ont servi à m'amener jusqu'ici. » Puis elle continua à me raconter comment elle était tombée entre les mains d'une bonne famille, où, par sa bonne conduite, sa maîtresse étant morte, son maître l'avait épousée, et c'est de lui qu'elle avait eu mon mari et ma sœur. Et comment, par sa diligence et son bon gouvernement, après la mort de son mari, elle avait amélioré les plantations à un point qu'elle n'avait pas atteint jusque-là, si bien que la plus grande partie des terres avait été mise en culture par elle, non par son mari, car elle était veuve depuis plus de 16 ans. J'écoutais cette partie de l'histoire avec fort peu d'attention, par le grand besoin que j'éprouvais de me retirer et de laisser libre cours à mes passions. Et qu'on juge quelle dut être l'angoisse de mon esprit quand je vins à réfléchir que cette femme n'était ni plus ni moins que ma propre mère, et que maintenant j'avais eu 2 enfants et que j'étais grosse d'un 3e des œuvres de mon propre frère et que je couchais encore avec lui toutes les nuits. J'étais maintenant la plus malheureuse de toutes les femmes au monde. Oh, si l'histoire ne m'avait jamais été dite, tout aurait été si bien. Ce n'aurait pas été un crime de coucher avec mon mari si je n'en avais rien su. J'avais maintenant un si lourd fardeau sur l'esprit que je demeurais perpétuellement éveillée. Je ne pouvais voir aucune utilité à le révéler, et pourtant le dissimuler était presque impossible. Oui, et je ne doutais pas que je ne parlerais pendant mon sommeil et que je dirais le secret à mon mari, que je le voulusse ou non. Si je le découvrais, le moins que je pouvais attendre était de perdre mon mari. Car c'était un homme trop délicat et trop honnête pour continuer à être mon mari après qu'il aurait su que j'étais sa sœur, si bien que j'étais embarrassée au dernier degré. Je laisse à juger à tous les hommes les difficultés qui s'offraient à ma vue. J'étais loin de mon pays natal, à une distance prodigieuse, et je ne pourrais trouver de passage pour le retour. Je vivais très bien, mais dans une condition insupportable en elle-même. Si je me découvrais à ma mère, il pourrait être difficile de la convaincre des détails, et je n'avais pas de moyen de l'éprouver. D'autre part, si elle m'interrogeait, ou si elle doutait de mes paroles, j'étais perdu, car la simple suggestion me séparerait immédiatement de mon mari, sans me gagner ni sa mère ni lui, si bien qu'entre la surprise d'une part et l'incertitude de l'autre, je serais sûrement perdu. Cependant, comme je n'étais que trop sûr de la vérité, il est clair que je vivais en plein inceste et en prostitution avouée, le tout sous l'apparence d'une honnête femme. Et bien que je ne fusse pas très touché du crime qu'il y avait là, pourtant l'action avait en elle quelque chose de choquant pour la nature et me rendait même mon mari répugnant. Néanmoins, après longue et sérieuse délibération, je résolus qu'il était absolument nécessaire de tout dissimuler, de n'en pas faire la moindre découverte ni à ma mère, ni à mon mari. Et ainsi, je vécus sous la plus lourde oppression qu'on puisse s'imaginer pendant 3 années encore. Pendant ce temps, ma mère prenait plaisir à me raconter souvent de vieilles histoires sur ses anciennes aventures qui, toutefois, ne me charmaient nullement. Car ainsi, bien qu'elle ne me le dît pas en termes clairs, pourtant je pus comprendre, en rapprochant ses paroles de ce que j'avais appris par ceux qui m'avaient d'abord recueilli, que dans les jours de sa jeunesse, elle avait été prostituée et voleuse. Mais je crois, en vérité, qu'elle était arrivée à se repentir sincèrement de ses 2 crimes et qu'elle était alors une femme bien pieuse, sobre et de bonne religion. Eh bien, je laisse sa vie pour ce qu'elle avait pu être, mais il est certain que la mienne m'était fort incommode, car je ne vivais, comme je l'ai dit, que dans la pire sorte de prostitution. Et ainsi que je ne pouvais en espérer rien de bon, ainsi, en réalité, l'issue n'en fut pas bonne, et toute mon apparente prospérité s'usa et se termina dans la misère et la destruction. Il se passa quelque temps, à la vérité, avant que les choses en vinssent là. Car toutes nos affaires ensuite tournèrent à mal, et, ce qu'il y eut de pire, mon mari s'altéra étrangement, devint capricieux, jaloux et déplaisant, et j'étais autant impatiente de supporter sa conduite qu'elle était déraisonnable et injuste. Les choses allèrent si loin, et nous en vîmes enfin à être en si mauvais termes l'un avec l'autre, que j'ai réclamé l'exécution d'une promesse qu'il m'avait faite volontairement quand j'avais consenti à quitter avec lui l'Angleterre. C'était que si je ne me plaisais pas à vivre là-bas, je retournerais en Angleterre au moment qu'il me conviendrait, lui ayant donné avis 1 an à l'avance pour régler ses affaires. Je dis que je réclamais de lui l'exécution de cette promesse, et je dois avouer que je ne le fis pas dans les termes les plus obligeants qui se pussent imaginer. Mais je lui déclarai qu'il me traitait fort mal, que j'étais loin de mes amis, sans moyen de me faire rendre justice, et qu'il était jaloux sans cause, ma conduite ayant été exempte de blâme, sans qu'il pût y trouver prétexte, et que notre départ pour l'Angleterre lui en ôterait toute occasion. J'y insistai si absolument qu'il ne put éviter d'en venir au point ou de me tenir sa parole ou d'y manquer. Et cela, malgré qu'il usât de toute la subtilité dont il fut maître et employa sa mère et d'autres agents pour prévaloir sur moi et me faire changer mes résolutions. Mais en vérité, le fond de la chose gisait dans mon cœur, et c'est ce qui me rendait toutes ces tentatives vaines, car mon cœur lui était aliéné. J'étais dégoûtée à la pensée d'entrer dans le même lit que lui, et j'employais mille prétextes d'indisposition et d'humeur pour l'empêcher de me toucher, ne craignant rien tant que d'être encore grosse, ce qui sûrement eût empêché ou au moins retardé mon passage en Angleterre. Cependant, je le fis enfin sortir d'humeur au point qu'il prit une résolution rapide et fatale. Qu'en somme, je ne partirai point pour l'Angleterre. Que, bien qu'il me l'eût promis, pourtant ce serait une chose déraisonnable, ruineuse à ses affaires, qui mettrait sa famille en un extrême désordre et serait tout près de le perdre entièrement. Qu'ainsi je ne devais point la lui demander, et que pas une femme au monde qui estimerait le bonheur de sa famille et de son mari n'y voudrait insister. Ceci me fit plonger de nouveau, car lorsque je considérais la situation avec calme et que je prenais mon mari pour ce qu'il était réellement, un homme diligent, prudent au fond, et qu'il ne savait rien de l'horrible condition où il était, je ne pouvais que m'avouer que ma proposition était très déraisonnable et qu'aucune femme ayant à cœur le bien de sa famille n'eût pu désirer. Mon déplaisir était d'autre nature. Je ne le considérais plus comme un mari, mais comme un proche parent, le fils de ma propre mère. Et je résolus de façon ou d'autre de me dégager de lui, mais par quelle manière, je ne le savais point.